nos jeunes années. Je choisirai ma route pour mieux te rencontrer. Plutôt pour commencer, commencer à t'aimer. Je choisirai ma route pour mieux t'apprivoiser. Tu m'aimerais si doux comme un voile qui me frôle. J'aimerais jusqu'au bout tes caresses, tes paroles. Tu m'aimerais si fort que j'en aurais les traces jusque dans mes remords. Je ne veux pas qu'elle s'efface, non. Mais nos chemins venaient d'une vie dépassée. J'avais choisi ma route et toi l'autre côté. La traversée sans doute pour venir t'y trouver, mais en traversant la route, je me suis abîmée là. Tu m'as aimé si doux comme un voile qui me frôle. J'ai aimé jusqu'au bout tes caresses, tes paroles. Tu m'as aimé si fort que j'emporte les traces jusque dans mes remords. Je ne veux pas qu'elle s'efface, non. S'efface, non.